journée. Voici ce que ça a donné. Chouchou Beléja, chouchou Beléja, chouchou Beléja, chouchou Beléja, chouchou Beléja, chouchou Beléja, chouchou Beléja, chouchou Beléja. Comme la porte n'était pas fermée, il y a des tas de gens qui sont entrés. Il y a que les voisins qui râlaient. Nous on continuait de chanter. Chouchou Beléja, chouchou Beléja, chouchou Beléja, chouchou Beléja, chouchou Beléja, chouchou Beléja, chouchou Beléja, chouchou Beléja. Et quand on en a eu assez, on est allé se promener. Mais voici à peine dans la rue que c'était pour sauter dessus. Chouchou Beléja, chouchou Beléja, chouchou Beléja, chouchou Beléja, chouchou Beléja, chouchou Beléja, chouchou Beléja, chouchou Beléja. Si vous sifflez en travaillant et si vous dansez en marchant, vous pourrez, si vous le voulez, rajouter deux ou trois couplets. Chouchou Beléja, chouchou Beléja, chouchou Beléja, chouchou Beléja, chouchou Beléja, chouchou Beléja, chouchou Beléja, chouchou Beléja. Et comme il faut faire une fin à cette chanson qui rime à rien, je n'ai rien trouvé de mieux que de dire une fois ou deux. Chouchou Beléja, chouchou Beléja, chouchou Beléja, chouchou Beléja, chouchou Beléja, chouchou Beléja, chouchou Beléja, chouchou Beléja.